gratuité, je pense, essentiellement, là, une gratuité pensée du point de vue du lecteur, parce que, encore d'un lecteur étranger, ou qui ne paierait pas d'impôts, ou à qui on offrirait Internet. Parce que, précisément, l'open access, ses partisans l'ont montré, et des anglicistes aussi l'ont dit, open access, c'est l'accès ouvert ou l'accès libre. Si l'open access postule en effet de l'accès gratuit des contenus scientifiques, il a bien évidemment un coût, comme vous l'avez dit, qui combine la production des contenus scientifiques, le travail d'édition et de mise aux normes. Et donc il s'agit, là dans cette courte présentation, de réfléchir au bon rapport entre prix ou coût de production et de fabrication et prix de consultation d'un numéro. C'est ce rapport aujourd'hui que je vais tenter de définir et discuter en questionnant aussi bien le financement des revues à travers un exemple tracé que les manières de penser, de repenser les formats des numéros et leur confection aujourd'hui. Donc dans un premier temps, j'évoquerai la question spécifique du financement et le constat que nous faisons à partir de l'expérience de la revue de sciences humaines. C'est pas qu'une revue d'histoire, mais bon, il y a beaucoup d'articles d'histoire quand même tracés que je vous présente cet après-midi. On n'est pas tous d'accord d'ailleurs dans la revue, donc en fait je la représente, mais ça suppose aussi voilà, une forme d'exercice d'équilibre. Ensuite j'en viendrai à la question de la variété des accès possibles, de quoi on parle quand on parle d'accès en réalité. Et enfin j'évoquerai à la fin de cette présentation rapidement les nouveaux formats que l'open access pourrait promettre, ce qui aurait aussi un coût matériel, intellectuel, intéressant peut-être à questionner. Alors, je ne vais pas revenir, parce que ça a été présenté rapidement, sur le débat du printemps 2013 qui suivait la recommandation de l'Union européenne et qui a vu d'un côté une partie des revues derrière Cairn essentiellement et une motion pour l'ouverture d'un débat qui s'inquiétait précisément du changement des embargos recommandés par l'Union européenne, et de l'autre un autre camp mené essentiellement par le Cléo autour d'une pétition en faveur de l'open access et précisément de la réduction des barrières mobiles. Parallèlement à la constitution de cette ligne de partage très visible en France, à cette sorte de bataille des bouquets numériques, mon camarade Éric Monnet, membre du comité de rédaction de la revue Tracé, écrivait alors un billet qui a été à l'époque assez remarqué et qui nous paraît toujours d'actualité, intitulé « L'open access, la schizophrénie française ». Alors précisons d'emblée que mesurée à l'aune des débats du printemps 2013, cette schizophrénie est un diagnostic que l'on peut émettre à propos de notre revue Tracé, puisque celle-ci est conjointement présente, comme vous pouvez le voir là, sur revue.org et sur Cairn. Donc, d'une certaine façon, là, je pense qu'on a un pied de chaque côté. Je vais montrer que finalement, on s'en est bien sorti aussi pour ces raisons, peut-être précisément au milieu des années 2000. Puisque, en vertu d'un partenariat qui était établi il y a quelques années, cette coprésence a permis de pérenniser les finances et la diffusion d'une jeune revue, comme l'a dit Philippe, fondée en 2002 et publiée par ENS Éditions. Les articles de Tracé sont vendus par Cairn pendant 2 ans, ils sont ensuite disponibles gratuitement sur Cairn pendant 1 an, puis ils passent enfin sur le site revue.org après 3 ans, donc, où ils sont accessibles librement pour le reste de leur vie. Tracé n'a signé collectivement aucune des 2 motions ou tribunes évoquées. En fait, je ne me rappelle d'ailleurs pas qu'on nous l'ait jamais demandé. Mais il faut bien dire que notre coprésence sur Cairn et revue.org rend toute prise de position univoque difficile. Du moins, si l'on veut rester cohérent avec nos modalités. On aurait pu signer les 2. Il n'y a pas de revue qui l'en fait. Bah, en fait, on a signé individuellement un peu des choses. Mais bon, bref, c'était le format n'était pas exactement le même. Comme le détaille le billet d'Éric Monnet, si notre comité de rédaction est favorable à l'accès le plus ouvert et le moins cher possible aux articles de la revue, qui pourrait d'ailleurs être contre a priori, Tracé a su trouver aujourd'hui un équilibre satisfaisant grâce aux subventions et surtout grâce aux revenus générés par la consultation du numéro sur le portail Cairn. Les bibliothèques ne s'abonnent pas ou plus ou peu à notre version papier, mais nous reversent indirectement de l'argent en s'abonnant à Cairn. Le prix de fabrication des numéros, mise en page, relecture, impression et leur distribution, donc qui ne tient pas compte des salaires des membres du comité de rédaction qui composent le numéro, qui l'organise, etc., ni de ceux des éditeurs, aussi entre 4 000 et 5 000 euros, donc pour 3 numéros par an, 15 000 euros, et les revenus de Cairn nous rapportent autour de 13 000 euros depuis 2 ou 3 ans. Vous voyez que je dévoile vraiment la cuisine. Alors, comment dès lors passer à l'open access sans embargo? C'est une question qu'on s'est posée et plusieurs solutions sont envisageables. On a bien sûr passé, assez intuitivement au départ, à la suppression du papier, puisque le tracé est publié à 250 exemplaires et vendu, et ça quand même. Donc on a un certain nombre de revenus qui viennent de ça. Très peu d'abonnements, c'est vrai, moins d'une centaine. Mais en réalité, les frais d'impression et de distribution ne sont pas très élevés. Et il faudrait économiser tout au plus 3500 euros par an. En outre, qu'on le veuille ou non, certains lecteurs, y compris au sein du comité de rédaction, sont attachés à l'unité de la version papier de la revue, qui plus est sur une revue qui est exclusivement sur des numéros thématiques. Donc le morcellement par numérique, là, change un petit peu la manière de lire la revue. Mais je reviendrai sur le papier plus tard. La deuxième solution est la solution qui nous semble la plus à même de répondre à la véritable concertation, je cite là la motion Kern, à savoir une mise au jour des besoins financiers de chaque revue, qui, à ma connaissance, n'est pas toujours entreprise. En ce qui concerne Tracé, Éric Monnet estimait alors entre 10 000 et 15 000 euros par an une subvention suffisante pour financer un open access intégral en conservant nos façons de confectionner nos numéros. Sans doute les chiffres des annales de la FNC et d'autres revues d'histoire seraient différents. Notons que si nous ne payons pas les traducteurs de nos nombreuses traductions, généralement faites par nous-mêmes, gratuitement, nous payons fréquemment des droits, même si nous sommes passés maîtres, je dois le dire, dans l'art de les négocier à la baisse. Ce que nous proposions donc, mais cette proposition est retombée un peu comme un soufflet en 2013, d'ailleurs comme le débat de 2013, qui ne me semble pas finalement avoir amené à cette grande concertation, donc c'est peut-être l'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est que l'argent public qui finance les achats des revues par les bibliothèques via des portails ou autres soit directement versé aux revues désirant passer en libre accès. C'est une solution qui nous paraît raisonnable, quoique complexe à mettre en place, mais qui évite en partie l'empilement absurde des financements publics des revues, l'État payant tout à la fois les chercheurs qui les composent, souvent par le biais des subventions des éditeurs qui la fabriquent, et surtout les bibliothèques qui les achètent pour en diffuser l'accès. Alors justement, de quel accès parle-t-on ? J'ai une statistique, vous voyez, en plus, même si c'est absolument illisible. En termes de consultation et de diffusion, la coprésence sur différents bouquets est en réalité plutôt bénéfique si je me place tout du moins du point de vue de la revue tracée. Mais je pense que ce constat est également valable de manière générale pour toute revue qui est à la fois présente sur revue.org et Kern. Les consultations tracées sont en constante augmentation, vous pouvez le voir, même si toute consultation, j'en ai conscience, ne suppose pas une lecture. Et l'on observe différentes voies d'accès possibles aux numéros partout dans le monde. Alors on voit les chiffres, la plus grande barre c'est revue.org, les visites dans l'absolu. On voit que pour Kern, les visites en accès conditionnel augmentent de 2010 à 2014. Et j'ai aussi inséré notre carnet de recherche, j'y reviendrai aussi, où on voit que une relative augmentation, même si non, je dois dire qu'on est moins actif aussi dessus. Malgré l'existence de la plateforme Isidore, mieux vaut d'ailleurs sans doute, pour la visibilité d'une revue j'entends, cohabiter sur plusieurs portails et agréger ainsi différentes possibilités d'accès, d'un point de vue strictement publicitaire. Car il faut bien distinguer justement de quel accès l'on parle, même si plusieurs formes d'accès peuvent se recouper. C'est tout d'abord d'un accès à ce que l'on connaît déjà. Autrement dit, comment avoir accès à l'article que je cherche dans la revue que je cherche ? Mais je sais que cet article existe et qu'il est dans cette revue. Ça, c'est la première forme, c'est celle qu'on partage tous en tant que chercheurs. C'est ce qui nous pousse généralement à aller sur les bouquets JSTOR, Muse, Wiley, etc. Ou bien encore à entrer nos codes sur Kern, sur les sites d'Oxford et Cambridge University Presses, etc. Voire, pour certaines revues, d'aller même en bibliothèque. Ça arrive encore. S'agit-il d'un accès, c'est la deuxième possibilité, d'un accès à un article scientifique trouvé dans le cadre d'une recherche. Mais je ne sais pas que cet article existe et je ne cherche pas non plus la revue en question. Cela suppose aujourd'hui, il me semble, de s'appuyer davantage sur les moteurs de recherche en général que sur les portails de revues et sur les bouquets eux-mêmes, qui, en termes de moteurs de recherche, sont, même s'il y a des promesses dans les nouvelles formes d'encodage qui sont garanties, sont encore très insatisfaisants de ce point de vue-là. Néanmoins, cela peut supposer aujourd'hui aussi un travail de fourmi, si on passe par tous les bouquets existants pour chercher une information. JSTOR, Muse, Wiley, Kern, Revue.org, etc. Enfin, c'est un travail qui est obligatoire aujourd'hui parce que, étonnamment, il n'y a pas de portail exhaustif et neuf. Donc il y a Isidore, hein, bien sûr, dans le cadre francophone, qui regroupe Erudit, Percé, Kern et Revue.org, mais il n'y a pas à l'échelle globale un bouquet qui rassemblerait qui permettrait de circuler dans tous ces bouquets. Je pense d'ailleurs C'est une question qui est liée à Al, mais d'une certaine façon, je la prends par un autre biais, que le succès du site academia.edu, dont le CEO Richard Price a pris position publiquement pour l'open access en s'opposant au Research Works Act, provient précisément de ce manque, de l'absence de ces bouquets qui réorientent aujourd'hui. En privilégiant la recherche exhaustive par auteur et par thème de recherche, Academia revendique aujourd'hui une communauté de 21 millions de chercheurs enregistrés au mois d'avril 2015, ainsi qu'une augmentation de 83% sur les citations des articles qui téléchargent les chercheurs. D'une certaine façon, et je pense que c'est un point qui mérite discussion, précisément entre nous, Academia rebat les cartes du fameux facteur d'impact, mais avec un statut juridique compliqué, voire frauduleux. Donc c'est là qu'il est intéressant peut-être de discuter. Sans surprise, Academia a beaucoup de succès dans de nombreux pays où les bouquets sont très imparfaits. Alors j'ai pris un ami, il y a beaucoup de succès, il y a un succès incroyable. C'est peut-être dû à mon domaine de recherche, mais les chercheurs italiens et turcs sont extrêmement actifs sur Academia. Et dans les pays où les bouquets sont très insatisfaisants, voire inexistants, Academia est devenu en fait le lieu de dialogue des chercheurs, le lieu de diffusion des articles, etc. Enfin, troisième accès possible, un accès à une information intéressante, dans l'absolu, pour un public large, curieux, non directement spécialisé. C'est là un point sur lequel la pétition du Clio a beaucoup insisté et qui me semble en effet important. Claire Lemercier l'a montré récemment en prenant plusieurs exemples dans un billet publié sur le carnet de recherche Devenir historien historienne à propos du désormais fameux History Manifesto de David Armitage et Joe Gilday. L'accès libre permet à des articles au sujet parfois très précis de toucher un public large et inattendu. Pour les chercheurs en sciences humaines et en histoire en particulier, on l'a vu ces dernières semaines notamment, l'open access peut être un moyen de peser sur le débat public ou plus modestement et simplement d'être lu. Enfin, l'open access est sans doute une manière sensée de défendre la pluralité des langues en sciences humaines et partant l'existence d'articles rédigés dans d'autres langues que l'anglais dans la communauté scientifique internationale. Même si d'autres revues optent pour des stratégies possibles, la revue italienne Quaderno, l'équipe que je connais un petit peu, a choisi d'être présente sur JSTOR, mais comme la RHMC ou les Annales, ça peut être un moyen d'exister dans le monde académique anglo-américain. Les Annales ou Cairn International aussi choisissent de leur côté de valoriser la traduction en anglais. C'est une option aussi. Bon, l'open access, je pense, défend la pluralité des contenus scientifiques, des langues surtout de ces contenus. De même, et c'est un dernier type d'accès qui me semble important et ce qui est souvent négligé, mais précisément là, nous avons affaire à des revues, donc c'est absolument fondamental dans leur dispositif. Il faudrait peut-être distinguer l'accès aux articles, qui est une chose, et l'accès aux recensions, qui en est peut-être une autre. En tout cas, c'est ce qu'a choisi la RHMC, en faisant des recensions, en mettant sur terme les recensions gratuitement. Enfin, gratuitement, en accès libre. Une partie importante du travail des principales revues historiennes et historiques, si je peux dire, concerne ces recensions. On ne peut ignorer les modifications sur les rythmes, mais aussi sur les contenus même des comptes rendus engendrés par l'apparition de sites spécialisés et de recensions d'ouvrages scientifiques, que l'on songe à La Vie des Idées en France, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis La Vie des Idées, mais bon, c'est comme ça, et Zeitpunkt en Allemagne, par exemple. Qu'en faire, justement ? Comment se positionner par rapport à des comptes rendus qui paraissent deux, trois mois après ? Est-ce que ça sert encore de faire des comptes rendus qui sortent deux ans après ? Enfin, c'est une question là que j'ouvre. Cette question pose également, me semble-t-il, celle de la temporalité des recensions sur des ouvrages en open access. À ce titre, les débats et les tâtonnements qui ont entouré en mars dernier aux États-Unis des modifications silencieuses apportées à l'ouvrage, justement un fameux ouvrage History Manifesto de Armitage et Gilday sont intéressants et posent la question des temps de la recension, mais aussi du nombre de versions révisées. En l'occurrence, sur l'History Manifesto, il y en a déjà trois. Il y a trois versions existantes. La dernière signalée le 30 mars, suite à un billet furibond de Deborah Cohen et Peter Mandler la semaine précédente, qui se plaignaient que leur compte rendu dans l'American Historical Review soit désormais obsolète parce que les auteurs avaient modifié, sans le signaler au départ, la version de l'History Manifesto. Donc comment recenser un ouvrage susceptible d'être révisé à tout moment ? Comment viser une cible qui bouge, en gros ? Il faut là édicter collectivement une charte de bonne conduite, me semble-t-il, ou bien annoncer aux auteurs, ce qui là serait assez compliqué, je suis en train de recenser votre ouvrage en open access, ne le touchez pas. c'est une question que je vous ai, c'est un petit peu compliqué. Donc j'en viens dernièrement à l'accès à de nouveaux formats. Comme je l'ai dit en évoquant le papier, le passage à l'accès libre pose aussi, peut-être surtout, une question intéressante de format un peu à l'image des débats qui entourent l'économie des biens dématérialisés. Jogulde défend par exemple l'open access, non pas en évoquant les expériences de certains collègues français, par exemple en SHS, mais en se revendiquant du groupe anglais Radiohead, qui avait mis en accès libre son disque. Enfin, on pouvait payer si on voulait. En somme, quel open access et les gens ont payé. On payait ce qu'on voulait. On payait ce qu'on voulait, voilà. Enfin, ils l'ont fait la première fois pour l'album suivant, c'était en revanche un tarif minimum, mais bon. En somme, quel open access voulons-nous ? S'agit-il d'une version accessible sur Internet d'un article qui existe parallèlement sous la même forme sur le papier ? Et que faire donc, là, à nouveau, de ce rapport ? Cependant, je crois qu'il faut prendre acte de la grande variété des histoires de chaque revue. Là, je crois que la motion Kern avait raison. Par exemple, Tracé, cela va sans dire, ne se pose pas les mêmes problèmes d'abonnement papier que les Annales et la RHMC. Et l'abandon du papier peut d'ailleurs avoir un coût, symbolique certes, mais potentiellement important, pour certaines revues qui ont un lectorat attaché à ce format. Alors comme je suis enregistré, je ne dirai pas lesquelles, mais il y a des revues pour lesquelles le passage à numérique tout entier a été à mes yeux un échec parce qu'ils ont perdu des auteurs. C'est-à-dire les auteurs ne veulent plus publier chez elles. Alors, à tort et à raison, on peut juger que c'est un archaïsme absurde, mais ça existe. Donc je crois qu'il faut en tenir compte, et je pense que ça ne traduit pas du tout un clivage générationnel, ni un combat des anciens et des modernes. Je pense que c'est un peu plus compliqué que cela, notamment à l'international d'ailleurs. Peut-être davantage que le papier aussi, c'est surtout la question de la mise en page, qui reste un point de friction assez fort, en fait, entre adeptes radicaux du PDF, qui ne veulent pas citer des paragraphes ou apprécient tout simplement l'esthétique des mises en page éditées, et promoteurs du format HTML et de nouvelles pratiques, qui ne sont pas en fait si nouvelles si on connaît un peu l'histoire du livre, de citation, donc de citation par paragraphe. Le modèle économique d'ailleurs freemium, proposé par le Cléo, hiérarchise d'ailleurs, sans doute à contre-cœur, ça c'est une question que je vous pose, les deux formats. Le PDF mis en page étant un format payant, en tout cas sous bouquet, on ne paie pas le contenu mais un format enrichi avec le freemium, alors que l'HTML est disponible sans embargo. Force est de constater donc que le PDF mis en page reste aujourd'hui une unité fondamentale d'échange et de conservation des articles. Alors, pour combien de temps, je ne sais pas. Mais le progrès des livres numériques, de ce point de vue, et des liseuses, devrait peut-être faire évoluer cela. Le PDF, qui adopte le format du livre, contraint toutefois. Cette contrainte peut certes avoir du bon, demander aux auteurs d'être synthétiques, opérer un tri des meilleurs articles pour chaque numéro, ou respecter des rubriques. Mais cela nous laisse au seuil de ce que la dématérialisation et l'accès libre nous paraissent promettre à tracer, même si on ne l'expérimente pas encore totalement précisément, à savoir l'éclosion d'une nouvelle manière de penser à la fois la composition des articles et la diffusion des savoirs en sciences humaines. L'historien pourrait rêver de dévoiler davantage ses sources, on pourrait en rêver ou pas du tout, mais enfin, on peut considérer s'il est de bonne foi qu'il aimerait justement les révéler davantage, révéler ses sources, ses métadonnées, sans contrainte d'espace, grâce aux possibilités du numérique. Combien de plaintes, chaque éditeur de revue le sait, pour des tableaux refusés par un éditeur, par des graphes supprimés pour des questions d'espace, d'images ou de bibliographies réduites par contrainte de site. Chaque chercheur pourrait désormais mettre au jour ses sources et partant les instruments déjà disponibles qui permettent sa composition. Les articles déjà cités en ligne, un ouvrage sur Gallica, telle source transcrite, telle image, etc. Et apporter à son tour de nouvelles données qui soumettraient à la sagacité de ses collègues comme d'un lectorat élargi. Et pédagogiquement, je pense là aux étudiants, je crois que ça pourrait être extrêmement, extrêmement utile. Comment se construit un article, etc. Alors bien sûr, là, le chercheur dévoile ses manières de faire, sa cuisine, mais c'est, je crois, une saine manière d'envisager les épreuves de fiabilité en SHS, à une époque où je pense qu'elles sont aussi contestées par certains collègues des sciences de la nature. Donc ça me semble, là, une manière de montrer aussi un peu les muscles, d'une certaine manière, de ce qu'est la recherche en sciences humaines. Et cette manière d'envisager l'open access permet plus généralement de faire de l'article de revue lui-même une véritable ressource pour les chercheurs, qui plus est à une époque où la revue, comme l'a dit Philippe Minard, est chaque jour un lieu déterminant de la production scientifique comme de l'évaluation des chercheurs. Alors, nous avons jusqu'ici que rarement éprouvé ces nouveaux formats, qui passent sans doute moins par les bouquets eux-mêmes que par l'initiative propre de chaque revue. Mais c'est là justement un prix de l'open access. Une nouvelle manière de penser les articles et les formats, et donc une nouvelle forme d'investissement intellectuel des rédactions de revues scientifiques. À tracer, alors, il s'est traduit par le développement parallèle d'un carnet de recherche sur la plateforme hypothèse.org, hébergé par le Cléo, qui publient des versions préliminaires des articles, par exemple ici, dans leur langue originale, des traductions supplémentaires, je ne l'ai pas mis, mais aussi des listes de lecture, des playlists pour accompagner la lecture des numéros. Alors c'est publicitaire, évidemment, mais en fait, c'est aussi des lieux de discussion des articles avec des formats différents. Donc ça, on ne propose pas le modèle de la playlist comme universalisable, mais c'est pour montrer que, en tout cas, l'article aujourd'hui n'est plus que dans sa format papier. Le numérique doit apporter quelque chose de plus, un peu à la manière dont les quotidiens aujourd'hui enrichissent leur version papier, quand elles existent encore, avec un certain nombre de ressources numériques, de vidéos, etc. En tout cas, les sites de revues, et je pense qu'Étienne en parlera peut-être, on le voit pour les Annales ou l'American Historical Review, commencent à s'enrichir d'annexes, de projets digitaux, de pages débats, de tables rondes, de comptes rendus en libre accès, qui montrent clairement une évolution vers un enrichissement des contenus en lien avec chaque numéro. Donc le numéro ne s'arrête pas à sa parution papier. Les bouquets, et ceci vaut aussi bien pour Kern ou Revue.org, et ça c'est une question que je vous pose, vont-ils aussi pouvoir résister à cela? Si chaque revue a désormais ses propres modalités de présentation d'articles, si des revues, elles existent sur Revue.org par exemple, je la cite, l'atelier du CRH, une revue entièrement numérique sur Revue.org, qui met en avant l'idée que, précisément, elle expérimentera de nouveaux formats. On peut donner des sources, on peut, etc. J'ai donné un article à l'atelier du CRH, et ils m'ont dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réduire à 60 000 signes? Donc ça m'a intéressé, parce qu'il y avait un effet d'annonce intéressant, quand même. C'est bon, vous pourrez faire votre article de 120 000 signes. Content, on met des notes de page fournies, des annexes, etc. Et en fait, l'épreuve de la publication était un peu triste, mais voilà, donc c'était la présentation. Il fallait le donner à la RHMC, on est très tolérant. Pourquoi tu n'arrives pas à publier? J'ai de la place. C'est vrai? Merci. Ah oui, pardon.